Bonjour et heureux de vous retrouver, auditrice auditeur de la radio Isanganiro, pour ce rendez-vous de l'actualité dont voici les principales articulations. Le rôle d'un journaliste est de faire arrêter toute forme de violence, à commencer par les messages de haine. Point de vue de Juvenal Barenga, journaliste à la radio de la Gakura. C'était ce vendredi, au terme d'une formation organisée par l'ONG La Benevolencia. Le problème de manque de bus de transport en commun a été au menu des questions posées au deuxième vice-président de la République par les représentants du peuple. C'était ce jeudi. Pour trouver une issue à ce problème, Joseph Boutolé a demandé à tous les intervenants dans le secteur des transports de se mettre ensemble pour analyser la nature de ce problème. Les détails, c'est dans ce journal. Ndaï Senga Rodrigue, natif de la province Mulanja, qualifié par la police comme un criminel de Renault, a été appréhendé en possession d'une somme d'argent de 11 millions volée en commune Nhangwa, zone Kamenge. Le terre est gardé au commissariat communal de police. En province Bururi, des champs de maïs qui venaient à peine de pousser, ainsi que ceux des maniocs et des bananiers, ont été fortement endommagés par des pluies torrentielles mêlées de grêle qui se sont abattues sur différentes collines de la commune Matana. C'était entre 15h et 16h ce vendredi. C'est dans ce journal mis en onde par Alben Douayo. Chalima Kote, je suis à la présentation. Bienvenue encore une fois. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, les journalistes à l'horreur de prévenir toute forme de cycle de violence et de faire arrêter les messages de haine. Ce point de vue est du journaliste Juvenal Barenga. C'était ce lundi après une formation sur le mode de prévention des violences organisée par la Benevolencia, une organisation œuvrant dans la résolution pacifique des conflits. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, je féliciterai la Benevolencia pour avoir choisi des thématiques tabous, c'est-à-dire qui sont très importantes dans la vie de tous les jours, non seulement ici au Burundi, en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Les thématiques étaient libérées ainsi. Il y avait des thématiques comprendre et rompre les cycles de violence. Deuxième thématique était libérée ainsi comme les médias face aux messages de haine. Pour moi, en tant que journaliste, c'est très important dans mon métier de journalisme. C'est-à-dire que je vais faire de mon mieux pour rompre avec toutes les sortes de violences. Encore une fois, je prendrai des gars lors du traitement des informations, surtout en rapport avec les messages de haine, mais aussi lorsque, par exemple, il y aurait des violences quelque part. Juvenal Barenga, il est journaliste chez la radio Ndera Gakura. De son côté, Nestor Nkurunziza, chargé d'émission à la Benevolencia, fait savoir que le journaliste est appelé à briser toute évolution de la violence. Je vous propose de l'écouter. Nous considérons d'abord, n'est-ce pas, ce que nous avons partagé. C'était d'abord aider les journalistes à apprendre à analyser les cycles de violence. Et lorsqu'on analyse le cycle de violence, on peut se rendre compte que le journaliste est peut-être réellement témoin actif. Et le témoin actif, il sert à quoi? Il sert à briser en quelque sorte l'évolution ou la dynamique de violence qui est en train de s'instaurer dans une société. Et donc, ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent, dans leurs reportages, dans leurs interviews, dans leurs vox pop, dans leurs tables rondes, tout ce qu'ils font comme format journalistique, donc l'utiliser pour aider la société à voir elle-même, n'est-ce pas, la violence qui est en train de venir, lorsqu'elle est en train et se profile à l'horizon, et qui puisse donc aider la société à couper court à cette évolution, à cette dynamique. C'est globalement cela que nous attendons d'eux. Cette formation était d'abord théorique, mais elle a été ensuite fait objet de pratiques pendant 2 jours, n'est-ce pas, de pratiques. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est de les accompagner, tous ceux qui ont été formés pendant 4 semaines, pour produire ce que nous appelons donc des productions post-formation, afin qu'ils s'habituent, qu'ils s'accoutument, n'est-ce pas, à la production sur l'arrêt de la violence dans une société donnée. Et nous espérons donc qu'après cela, ils pourront eux-mêmes, même sans accompagnement de la bénévolence, donc produire de l'information qui sert effectivement analyser la violence et donc en stopper l'évolution avant qu'il ne devienne trop tard. Le deuxième vice-président de la République du Burundi demande à tous les intervenants dans le secteur des transports de se mettre ensemble pour analyser le problème lié au manque de bus de transport ces derniers jours dans le pays. Ce problème faisant suite à la mesure du gouvernement qui interdit l'entrée des véhicules mégots, arguant qu'il cause beaucoup d'accidents. Joseph Boutoré a lancé cet appel jeudi dernier lors de la présentation devant les chambres basses et hautes du Parlement des réalisations des ministères sous sa titre. On l'écoute, il est traduit en français par Evariste Nzikobanyanka. Ikibazo cha megosh nigihera ariko je kubganjira mu nako abakorera mu gisata cyo gutwa abantu n'ibintu. La question des minibus mégots est toujours d'actualité. De mon côté, ceux qui œuvrent dans ce secteur de transport devraient se pencher sur cette question si réellement la mesure d'interdire l'entrée des véhicules mégots dans le pays n'a pas eu de valeur ajoutée. Les concernés peuvent donner rapport sans spéculation pour que des instances habilitées puissent statuer sur cette question. Mais quand on s'adresse aux services techniques du ministère en charge du transport, leur avis est contraire à celui des députés aujourd'hui. Tous ceux qui sont concernés doivent se mettre ensemble pour trouver une solution durable. Le deuxième vice-président de la République, dans la traduction d'Evariste Nzikobanyanka, cet appel intervient au moment où ceux qui font le transport en commun indiquent que la crise ne leur permet pas d'acheter des véhicules mais droits exigés par le gouvernement car ils coûtent énormément cher, disent-ils. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité de ce journal, Ndayisenga Rodrigue, natif de la Corine, marqué à Zo, zone Gatabo, en province de Muramvya, qualifié par la police comme un criminel de renom, a été appréhendé par la police sur renseignement de la population en commune et zone Kiganda par renseignement de la population en commune et zone Kiganda, Corine Burenza, dans la nuit du 6 au 7, selon les sources policières. C'était vers 1h du matin que la police, en collaboration avec les comités mixtes de sécurité, l'ont appréhendé en possession d'une somme d'argent de 11 millions volée chez le nommé Daishimie Hausman et Bamire Emir, tout natif de la zone de la commune Nahangwa, plutôt zone Kamenge. L'hôtel est gardé au commissariat communal de la police. Les habitants de la commune urbaine de Mukaza, à mairie de Bujumbura, se plaignent du non-octroi des cartes nationales d'identité. Ils affirment avoir reçu comme réponse qu'il n'y a plus de fiches et demandent que le document de plus grande nécessité leur soit de nouveau octroyé. Suivez un de ces habitants qui s'est confié à la radio Isanganiro. C'est dans une tradition de notre confrère Placide Niyomungere. Dans toute la commune de Mukaza, la carte d'identité n'est pas délivrée. Nous avons été dans les zones urbaines de Bwiza, Buyenzi, Rohero et Nyakabiga. Les demandeurs de ces cartes d'identité éprouvent de difficultés à défaut de cette dernière. Plusieurs raisons sont avancées. Soit on dit qu'il n'y a pas de fiche ou tout simplement que l'opération n'est pas en cours. Il est difficile de savoir à retenir comme vraie version. Voilà exactement le problème, car la carte d'identité nous sert à plusieurs choses et nous aide dans l'opération de retrait d'argent dans les banques ou encore pour plus d'identification lors des rafles de la police. Tout est possible grâce à la carte d'identité. Nous demandons qu'elle soit encore une fois délivrée à tous les demandeurs qui le désirent, remplissant les conditions sans pour autant faire beaucoup de courses. Pire encore, si on sera hors Mukaza, dans les autres communes isidbennes, on exige la présentation du cahier de résidence. Vous entendrez que c'est un problème. Contacté à ce sujet, Désiré Mazimaka, administrateur de la commune Mukaza, a promis de s'exprimer dans nos éditions de la soirée. Isanganiro. Page agriculture. De ce journal à 13h09, les moniteurs agricoles et les encadrés des caféiculteurs affectés à chaque colline doivent collaborer pour une réussite de la dynamisation de la filière café. Cet appel est lancé par les autorités provinciales à Moyinga où plus de 500 caféiculteurs ont accepté de remplacer les vieux caféiers par de nouveaux plants auxquels seront associés des cultures vivrières en attendant la prise de la reprise des productions. Depuis Muyinga, c'est un reportage de Dieudonné Nzeimana. À chaque colline, sur 230 collines de la province Muyinga, des personnes sont chargées d'encadrer les cultivateurs et moniteurs agricoles pour le compte du ministère en charge de l'agriculture et moniteurs chargés de la caféiculture uniquement pour le compte de la Fédération des caféiculteurs. Certains cultivateurs accusent les moniteurs agricoles de ne rien faire et des individus affectés à chaque colline se rejettent la responsabilité par endroit. Et des personnes affectées à encadrer la population doivent collaborer et servir de modèle dans la communauté. Appel lancé par Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, alors qu'au courant de cette semaine, les autorités provinciales lançaient la campagne de restitution d'osiers caféiers par de nouveaux plans opération qui rentre dans un vaste programme de redynamisation de la filière café. Avec ce programme, pour une seule saison, au moins 5000 plants vont être redistribués à plus de 500 caféiculteurs qui ont accepté de renouveler leurs plantations. Des semences d'haricots leur seront données pour une polyculture dans les vergers caféicoles en attendant la production du café en plantation. Vous saurez qu'il est interdit d'arracher le café de son gré sans prétexte des plans vieux. Il faut l'autorisation du moniteur agricole à qui on montre le plan de remplacement des caféiers arrachés. Dieudonné Nzeimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana de Muyinga. Rendons-nous aussi du pays en province de Bururi où des champs de maïs qui venaient à peine de pousser ainsi que ceux de manioc et des bananiers ont été endommagés par des pluies torrentielles mêlées de grêle qui se sont abattues sur la colline Gississier et la sous-colline Ruhororo de la colline Bihanga en commune Matana de la province de Bururi entre 15h et 16h de ce vendredi. Les victimes de ces intempéries, parmi lesquelles celles qui venaient de bénéficier de l'aide en semences de maïs du CICR, demandent d'être assistées, contactées pour savoir ce qu'envisage l'administrateur communal de Matana, indique qu'attendre le rapport des chefs de colline. Toujours aussi 10 pays, pour clore ce journal, les aires protégées de Lumongue sont transformées de plus en plus en dépotoirs. Le responsable des aires protégées dans le site du Burundi demande à l'administration et aux forces de sécurité de contribuer dans ce combat. De Lumongue, c'est un reportage de notre confrère Jean-Pierre Misago. Selon Leonidas Nzigima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi, des déchets de plusieurs sortes sont jetés ces derniers jours dans les aires protégées de la commune Rumonge. Nous observons des dépotoirs et dans la réserve naturelle d'Ongayamba, dans la réserve naturelle de Rumonge, dans la réserve naturelle d'Okigwena. Ces dépotoirs sont composés de déchets solides et même liquides, des déchets en provenance des pharmacies, des structures sanitaires, des ruines des maisons, des déchets en provenance des restaurants et des hôtels. Cela a des retombées négatives sur la vie des sauvages et même celle de l'homme. En fait, quand vous déposez les déchets solides et liquides dans une aire protégée, ça veut dire que vous polluez l'air, vous polluez l'eau, vous polluez le sol, jusque même la nappe phréatique. Parce que il y a des déchets solides, il y a ce qu'on appelle les métaux lourds qui sont solubles dans l'eau, mais qui vont à la longue se retrouver dans de l'eau potable consommée par les populations. Ce protecteur de l'environnement appelle à l'administration et aux forces de l'ordre d'appuyer les gardes forestiers afin de stopper ces agissements. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit qu'il n'a pas encore eu de rapport relatif, lequel rapport lui servirait de base pour arrêter des mesures conséquentes. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago et c'est par ici que nous arrêtons ce journal. Mais pour ceux qui nous ont attrapés en cours de route, et le rappel des titres. Le rôle d'un journaliste est de faire arrêter toute forme de violence, à commencer par les messages de haine. Point de vue de Juvenal Barenga, journaliste à la radio de la Gakura. C'était ce vendredi au terme d'une formation organisée par l'ONG La Benevolencia. Le problème de manque de bus de transport en commun a été au menu des questions posées au deuxième vice-président de la République par les représentants du peuple ce jeudi pour trouver une issue À ce problème, Joseph Boutolé a demandé à tous les intervenants dans le secteur des transports de se mettre ensemble pour analyser la nature de ce problème. Ndaye Senga Rodrigue, natif de la province Moulanvia, qualifié par la police comme un criminel de renom, a été appréhendé en possession d'une somme d'argent de 11 millions de francs burundais volée en commune Nhangwa, zone Kamenge. L'hôtel est gardé au commissariat communal de la police dans sa province. En province Bururi, des champs de maïs qui venaient à peine de pousser et ceux des maniocs et des bananiers ont été endommagés par des pluies torrentielles mêlées de grêle qui se sont abattues sur différentes collines de la commune Matana. Vous l'avez entendu dans ce journal. Merci à Arben Douayo qui l'a mise en onde. Charles Makoto, j'étais à la présentation. Dans un instant, vous allez suivre la revue de l'actualité. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Dans son éditorial, le journal Iwachu parle d'un projet de loi qui crée déjà une onde de choc dans les esprits de certains politiciens. Au menu, des projets de loi sur la table de l'Assemblée nationale pour la session d'octobre, écrit-il, figure entre autres la ratification par la République du Burundi d'un point modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe ACP Caraïbes et Pacifique d'une part et la communauté européenne et ses États membres d'une autre part. Deux questions entre l'opinion poursuit l'hebdomadaire. Qu'est-ce qui motive le gouvernement burundais à modifier l'accord? Quels sont les points à réviser? Conclu en 2000 pour une période de 20 ans, l'accord possède une clause de révision tous les 5 ans, ce qui a été fait en juin 2005. Certains politiciens, écrit notre confrère, estiment que la révision portera sans aucun doute sur l'article 96 qui frappe déjà le gouvernement suite au gel de l'aide directe. Selon le vice-président du parti Frodebou, réviser ou enlever cet article revient à enterrer le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'état de droit et la bonne gouvernance. Même son de cloche de l'acteur politique est ancien Sibomana. Toutefois, certains experts en relations diplomatiques estiment que l'Union européenne ne franchira pas sa ligne rouge, l'article 96 étant le cœur de l'accord. Selon toujours ces experts, où le Burundi propose d'autres amendements, où il quitte l'accord et les relations entre le Burundi et l'UE passeraient par d'autres canaux diplomatiques. Iwachu revient également sur l'issue de la 36e session du Conseil des droits de l'homme, où deux mécanismes différents pour le Burundi ont été adoptés. Une situation inédite, écrit-il. D'un côté, un groupe africain soutenu par Bujumbura a proposé un mécanisme qui met la justice burundaise à l'honneur. Pour ce groupe, une commission de 3 experts établira une liste des crimes et présumés auteurs et le rapport sera transmis au gouvernement burundais. De l'autre côté, un groupe de l'Union européenne qui mentionne l'extension du mandat de la commission Ouguerguse d'un an. Les 7 amis asphyxiés, titre le journal Burundi Echo. Le retrait non avisé des services techniques municipaux, des services d'assainissement, de construction et d'entretien des bâtiments publics ou collectifs par la mairie de Bujumbura constitue la base majeure de son déclin, écrit Burundi Echo. Chiza Sadiki, directeur général de cette institution, explique qu'il plaide toujours chez les autorités hiérarchiques pour que certaines conventions puissent entrer en vigueur pour le bien-être financier de l'entreprise. Directeur des services techniques municipaux de 1987 à 1992, Anatole Kanyenyiko a indiqué à Burundi Echo que les problèmes d'aujourd'hui ressemblent à ceux de cette époque. Il cite entre autres le niveau bas des ressources affectées par la mairie en regard de l'envergure des prestations à accomplir, la tentation de la mairie de confier des prestations statutairement dévolues au CTMI à des tiers. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse ABP écrit sur les violences basées sur le genre où plus de 2000 cas ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année en cours dans la seule province de Gitega. Selon la coordinatrice provinciale du Centre de développement familial et communautaire, CDFC de Gitega, 2025 cas de victimes de violences basées sur le genre durant les 6 premiers mois de 2017 ont été recensés. Entretenus avec l'ABP, Emmanuel Shimana précise que les femmes sont les plus violentées que les hommes. Établissant le rapport de 4 à 1, 60% de ces cas sont commis entre conjoints, 20% par les membres de la famille proche, 16% par les commerçants et 4% étant réservés aux agents de la police et de l'armée. ABP écrit aussi sur le lancement officiel d'une entreprise d'archivage au Burundi. Une entreprise française dénommée AGS Archivage a été officiellement lancée au Burundi le 4 octobre 2017. Selon le directeur général de cette entreprise, AGS Archivage, implantée dans 54 pays d'Afrique, avec ses 30 ans d'expérience en gestion documentaire, va apporter au Burundi la solution personnalisée en archivage physique et numérique. Samuel Mergui explique que cette entreprise dispose d'un site d'une surface de plus de 1000 mètres carrés, d'une salle de numérisation et d'une équipe d'experts en gestion et conservation d'archives. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Il parle d'une déclaration mitigée. Pas de discours officiel de l'autorité du ministère, pas de célébration et pas de manifestation. Juste un message sur WhatsApp pour se souhaiter bonne fête aux enseignants. Tenez, l'opération de redéploiement a produit des effets positifs tels que la réduction des besoins en enseignants, la réduction de sous-emploi dans les écoles et la réduction des disparités en enseignants par école. Toutefois, poursuit la voix de l'enseignant, cette opération a eu des impacts sur les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Ici, les représentants syndicaux citent nommément des coûts additionnels à l'endroit de l'enseignant redéployé, l'augmentation de la distance à parcourir pour les enseignants redéployés, l'inaccessibilité de certaines écoles, la dislocation des familles par la séparation des ménages, le manque de logement à côté du lieu de travail, notamment le manque des hommes, les risques de retraite anticipés. C'est une situation qui vient fragiliser les conditions financières des enseignants qui étaient déjà précaires. La vie étant chère, poursuit la voix de l'enseignant. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Placide Niomungere. Nous vous souhaitons d'agréables moments sur Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.